Chansons et légendes du Valois. Chaque fois que ma pensée se reporte au souvenir de cette province du Valois, je me rappelle les chants et les récits qui ont bercé mon enfance. La maison de mon oncle était toute pleine de voix mélodieuses, et celle des servantes qui nous avaient suivis à Paris chantaient tout le jour les ballades joyeuses de leur jeunesse, dont malheureusement je ne puis citer les airs. J'en ai donné plus haut quelques fragments. Aujourd'hui je ne puis arriver à les compléter, car tout cela est profondément oublié. Le secret en est demeuré dans la tombe des aïeuls. On publie aujourd'hui les chansons paloises de Bretagne ou d'Aquitaine, mais aucun chant des vieilles provinces, où s'est toujours parlé la vraie langue française, ne nous sera conservé. C'est qu'on n'a jamais voulu admettre dans les livres des vers composés sans souci de la rime, de la prosodie et de la syntaxe. La langue du berger, du marinier, du charretier qui passe est bien la nôtre, à quelques élisions près, avec des tournures douteuses, des mots hasardés, des terminaisons et des liaisons de fantaisie. Mais elle porte un cachet d'ignorance qui révolte l'homme du monde, bien plus que ne fait le patois. Pourtant, ce langage a ses règles, ou du moins ses habitudes régulières. Et il est fâcheux que des couplets tels que ceux de la célèbre romance « Si j'étais hirondelle » soient abandonnés pour deux ou trois consonnes singulièrement placées au répertoire chantant des concierges et des cuisinières. Quoi de plus gracieux et de plus poétique pourtant ? Si j'étais hirondelle, que je puisse voler sur vos trois seins, la belle, j'irai me reposer. Il faut continuer, il est vrai, par « J'ai un coquin de frère » ou risquer un hiatus terrible. Mais pourquoi aussi la langue a-t-elle repoussé ce Z si commode, si liant, si séduisant, qui faisait tout le charme du langage de l'ancien arlequin, et que la jeunesse dorée du directoire a tenté en vain de faire passer dans le langage des salons? Ce ne serait rien encore, et de légères corrections rendraient à notre poésie légère, si pauvre, si peu inspirée, ces charmantes et naïves productions de poètes modestes. Mais la rime, cette sévère rime française, comment s'arrangerait-elle du couplet suivant ? La fleur de l'olivier, que vous avez aimée, charmante beauté, et vos beaux yeux charmants, que mon cœur aime tant, les faudra-t-il quitter ? Observez que la musique se prête admirablement à ces hardiesses ingénues, et trouve dans les assonances, ménagées suffisamment d'ailleurs, toutes les ressources que la poésie doit lui offrir. Voilà deux charmantes chansons qui ont comme un parfum de la Bible, dont la plupart des couplets sont perdus, parce que personne n'a jamais osé les écrire, les imprimer. Nous en dirons autant de celles où se trouve la strophe suivante. « Enfin vous voilà donc, ma belle mariée, enfin vous voilà donc, à votre peau liée, avec un long fil d'or qui ne rompe qu'à la mort. » Quoi de plus pur d'ailleurs comme langue et comme pensée? Mais l'auteur de cet épithalame ne savait pas écrire, et l'imprimerie nous conserve les gravelures de collets, de plis et de panards. Les richesses poétiques n'ont jamais manqué aux marins ni aux soldats français, qui ne rêvent dans leurs chants que filles de rois, sultanes et même présidentes, comme dans la ballade trop connue. C'est dans la ville de Bordeaux qu'il est arrivé trois vaisseaux, etc. Mais le tambour des gardes françaises, où s'arrêta-t-il celui-là? Un joli tambour s'en allait à la guerre, etc. La fille du roi est à sa fenêtre. Le tambour la demande en mariage. « Joli tambour, dit le roi, tu n'es pas assez riche. Moi, dit le tambour, sans se déconcerter. J'ai trois vaisseaux sur la mer gentille, l'un chargé d'or, l'autre de perles fines, et le troisième pour promener mamie. Touche la tambour, lui dit le roi, tu n'auras pas ma fille. Tant pis, dit le tambour, j'en trouverai de plus gentilles. » Après tant de richesses dévolues à la verve un peu gasconne du militaire et du marin, environ-nous le sort du simple berger, le voilà qui chante et qui rêve. Ô jardin de mon père, vole mon cœur, vole. Il y a un pommier doux, tout doux. Trois belles princesses, vole mon cœur, vole. Trois belles princesses sont couchées dessous, etc. Est-ce donc la vraie poésie? Est-ce la soif mélancolique de l'idéal qui manque à ce peuple pour comprendre et produire des chants dignes d'être comparés à ceux de l'Allemagne et de l'Angleterre? Non, certes. Mais il est arrivé qu'en France, la littérature n'est jamais descendue au niveau de la grande foule. Les poètes académiques du XVIIe et du XVIIIe siècle n'auraient pas plus compris de telles inspirations que les paysans n'eussent admiré leurs odes, leurs épîtres et leurs poésies fugitives, si incolores, si gourmées. Pourtant, comparons encore la chanson que je vais citer à tous ces bouquets à Chloris qui faisaient vers ce temps l'admiration des belles compagnies. Quand Jean Renaud de la guerre revint, il en revint triste et chagrin. « Bonjour ma mère, bonjour mon fils, ta femme est accouchée, la petite. Allez ma mère, allez devant, faites-moi dresser un beau lit blanc. Mais faites-le dresser si bas, que ma femme ne l'entende pas. » Et quand ce fut vers le minuit, Jean Renaud a rendu l'esprit. Ici la scène de la balade change et se transporte dans la chambre de l'accouchée. « Ah, dites ma mère, mamie, ce que j'entends pleurer ici. Ma fille, ce sont les enfants, qui se plaignent du mal de dents. Ah, dites ma mère, mamie, ce que j'entends clouer ici. Ma fille, c'est le charpentier, qui raccommode le plancher. Ah, dites ma mère, mamie, ce que j'entends chanter ici. Ma fille, c'est la procession, qui fait le tour de la maison. Mais dites ma mère, mamie, pourquoi donc pleurez-vous ainsi? Et là, je ne puis le cacher, c'est Jean Renaud qui est décédé. Ma mère dit au fossoyeur qu'il fasse la fosse pour deux, et que l'espace y soit si grand qu'on y renferme aussi l'enfant. Ceci ne le cède en rien aux plus touchantes ballades allemandes. Il n'y manque qu'une certaine exécution de détails qui manquait aussi à la légende primitive de Lénore et à celle du roi des Aulnes, avant Goethe et Bürger. Mais quelle partie encore un poète eût tiré de la complainte de Saint-Nicolas que nous allons citer en partie? Il était trois petits enfants qui s'en allaient glaner au champ. S'en vont au soir chez un boucher. « Boucher, voudrais-tu nous loger ?»« Entrez, entrez, petits enfants, il y a de la place assurément. » Ils n'étaient pas sitôt entrés que le boucher les a tués, les a coupés en petits morceaux, mis au saloir comme pourceau. Saint-Nicolas, au bout de 7 ans, Saint-Nicolas vint dans ce champ. Il s'en alla chez le boucher. « Boucher, voudrais-tu me loger ?»« Entrez, entrez, Saint-Nicolas, il y a de la place, il n'en manque pas. » Il n'était pas sitôt entré qu'il a demandé à souper. « Voulez-vous un morceau de jambon ?»« Je n'en veux pas, il n'est pas bon. »« Voulez-vous un morceau de veau ?»« Je n'en veux pas, il n'est pas beau. » « Du petit salé, je veux avoir, qu'il y a 7 ans qui est dans le saloir. » Quand le boucher entendit cela, hors de sa porte, il s'enfuya. « Boucher, boucher, ne t'enfuis pas, repens-toi, Dieu te pardonnera. » Saint-Nicolas posa 3 doigts, dessus le bord de ce saloir. Le premier dit « J'ai bien dormi. » Le second dit « Et moi aussi. » Et le troisième répondit « Je croyais être en paradis. » N'est-ce pas là une ballade du lent, moins les beaux vers? Mais il ne faut pas croire que l'exécution manque toujours à ces naïves inspirations populaires. La chanson que nous avons citée plus haut, « Le roi Loïs est sur son pont », a été composée par un des plus beaux airs qui existent. C'est comme un chant d'église croisé par un chant de guerre. On n'a pas conservé la seconde partie de la ballade, dont pourtant nous connaissons vaguement le sujet. Le beau Lautrec, l'amant de cette noble fille, revint de la Palestine au moment où on la portait en terre. Il rencontre l'escorte sur le chemin de Saint-Denis. Sa colère met en fuite prêtres et archers, et le cercueil reste en son pouvoir. « Donnez-moi, dit-il à sa suite, donnez-moi un couteau d'or fin que je découse ce drap de lin. » Aussitôt délivré de son linceul, la belle le revient à la vie. Son amant l'enlève et l'emmène dans son château au fond des forêts. Vous croyez qu'ils vécurent heureux et que tout se termina là? Mais une fois plongé dans les douceurs de la vie conjugale, le beau Lautrec n'est plus qu'un mari vulgaire. Il passe tout ce temps à pêcher au bord de son lac, si bien qu'un jour sa fière épouse vient doucement derrière lui et le pousse résolument dans l'eau noire en lui criant « Va-t'en, vilain pêche-poisson, quand ils seront bons, nous en mangerons !» Propos mystérieux, digne d'Arcabone ou de Mélusine. En expirant, le pauvre châtelain a la force de détacher ses clés de sa ceinture et de les jeter à la fille du roi, en lui disant qu'elle est désormais maîtresse et souveraine et qu'il se trouve heureux de mourir par sa volonté. Il y a dans cette conclusion bizarre quelque chose qui frappe involontairement l'esprit, et qui laisse douter si le poète a voulu finir par un trait de satire, ou si cette belle morte, que Lautrec a tirée du linceul, n'était pas une sorte de femme vampire, comme les légendes nous en présentent souvent. Du reste, les variantes et les interpolations sont fréquentes dans ces chansons. Chaque province possédait une version différente. On a recueilli, comme une légende du Bourbonnais, la jeune fille de Lagarde, qui commence ainsi. Au château de Lagarde, il y a 3 belles filles. Il n'en a une plus belle que le jour. « Hâte-toi, capitaine, le duc va l'épouser. » C'est celle que nous avons citée qui commence ainsi. « Dessous le rosier blanc, la belle se promène. » Voilà le début, simple et charmant. Où cela se passe-t-il? Peu importe. Ce serait, si l'on voulait, la fille d'un sultan, rêvant sous les bosquets de Shiraz. 3 cavaliers passent au clair de la lune. « Montez, dit le plus jeune, sur mon beau cheval gris. N'est-ce pas là la course de Léonore? Et n'y a-t-il pas une attraction fatale dans ces cavaliers inconnus? Ils arrivent à la ville. » S'arrête à une hôtellerie éclairée et bruyante. La pauvre fille tremble de tout son corps. Aussitôt arrivée, l'hôtesse la regarde. « Êtes-vous ici par force ou pour votre plaisir ?»« Au jardin de mon père, 3 cavaliers m'ont pris. » Sur ce propos, le souper se prépare. « Soupez, la belle, et soyez heureuse. Avec 3 capitaines, vous passerez la nuit. » Mais le souper fini, la belle tomba morte. Elle tomba morte pour ne plus revenir. « Hélas, ma fille est morte !» s'écria le plus jeune cavalier. « Qu'en allons-nous faire ?» Et ils conviennent de la reporter au château de son père, sous le rosier blanc. Et au bout de 3 jours, la belle ressuscite. « Ouvrez, ouvrez, mon père, ouvrez sans plus tarder. Trois jours j'ai fait la morte pour mon honneur regardé. La vertu des filles du peuple attaquée par des seigneurs félons a fourni encore de nombreux sujets de romance. Il y a par exemple la fille d'un pâtissier que son père envoie porter des gâteaux chez un galant châtelain. Celui-ci la retient jusqu'à la nuit close et ne veut plus la laisser partir. Pressée de son déshonneur, elle feint de céder et demande au comte son poignard pour couper une agrafe de son corset. Elle se perce le cœur et les pâtissiers instituent une fête pour cette martyre boutiquière. Il y a des chansons de cause célèbres qui offrent un intérêt moins romanesque, mais souvent plein de terreur et d'énergie. Imaginez un homme qui revient de la chasse et qui répond à un autre qui l'interroge. « J'ai tant tué de petits lapins blancs que mes souliers sont pleins de sang. Tu as menti, faux traître, je te ferai connaître. Je vois à tes pâles couleurs que tu viens de tuer ma sœur. » Quelle poésie sombre en ces lignes, qui sont à peine des vers. Dans une autre, un déserteur rencontre la maréchaussée, cette terrible némésis au chapeau bordé d'argent. On lui a demandé « Où est votre congé ?»« Le congé que j'ai pris, il est sous mes souliers. » Il y a toujours une amante éplorée mêlée à ces tristes récits. La belle s'en va trouver son capitaine, son colonel et aussi son sergent. Le refrain est une mauvaise phrase latine sur un ton de plein chant qui prédit suffisamment le sort du malheureux soldat. Quoi de plus charmant que la chanson de Biron si regrettée dans ces contrées ?« Quand Biron voulut danser ?» Quand Biron voulut danser, ses souliers fit apporter, ses souliers fit apporter. Sa chemise de Venise, son pourpoint fait au point, son chapeau tout rond, vous danserez, Biron. Nous avons cité deux vers de la suivante. La belle était assise près du ruisseau coulant, et dans l'eau qui frétille, baignait ses beaux pieds blancs. Allons, mamie, légèrement, légèrement. C'est une jeune fille des champs qu'un seigneur surprend au bain comme Percival surprit Griselidis. Un enfant sera le résultat de leur rencontre. Le seigneur dit « En ferons-nous un prêtre ou bien un président ?»« Non, répond la belle, ce ne sera qu'un paysan. » On lui mettra la hotte et trois oignons dedans. Il s'en ira criant « Qui veut mes oignons blancs ? Allons, mamie, légèrement, etc. » Voici un conte de veillée que je me souviens d'avoir entendu réciter par les vanniers.